Bonsoir mesdames et messieurs, et oui, la machine à son est revenue, la machine à son, et là, le professeur est toujours vivant. J'ai su qu'il y avait de multiples inquiétudes sur l'état du professeur, rassurez-vous. Ce petit délai dans son retour à la vie normale, comme un peu à chaque fois hein, qu'il y a la machine à son, là j'essaie de jouer avec le micro, ben oui, vous voyez, hein, toujours des ennuis techniques incroyables. Donc bref, revenons au professeur. Donc j'ai mis du temps à le faire revenir, enfin j'ai mis du temps surtout à le retrouver, et puis évidemment, mais ça vous savez, ça arrive assez souvent, il se perd, et du coup, ben voilà, il faut remonter la piste. Et en fait, je savais qu'il était parti en vacances cet été, bon, il m'avait dit à peu près où il allait, vers la Bretagne, par là, et mais bon, voilà, je ne savais pas plus, mais grâce à ça, j'ai pu remonter le fil et vous le ramener, et donc faire une nouvelle machine à son. Alors bien sûr, vous êtes impatient, impatiente de savoir pourquoi le professeur était en retard de quasiment un mois. Et oui, sur la rentrée, et oui, il s'est fait des semaines de vacances, c'est un truc de fou quoi. Mais bon, lui, il n'est jamais en vacances, hein. Il est toujours au boulot, à fouiller, à chercher des disques et tout. Voilà, à trouver de la matière pour vous ravir. Et, ou parfois. Et donc, où en étais-je? Oui, voilà, j'en étais aux vacances du professeur. Donc du coup... Voilà, en fait, il est parti, il m'a raconté tout après, une fois que j'ai réussi à le retrouver. Mais je vous résume ça vite fait. Hein. C'est pas pour gagner du temps, c'est simplement que vous soyez informé de la vie du professeur. C'est quand même extrêmement important dans votre vie, puisque tous les mercredis, vous tremblez à savoir sera-t-il là, ne sera-t-il pas là. Et oui, et des fois, il n'est pas là. Et donc là, voilà, bah, ça a été donc très complexe. J'ai passé tout le mois de septembre à le chercher, quoi. Ça n'a pas été compliqué. Donc bref, je suis remonté à la source, donc en Bretagne, j'ai enquêté là-bas, et c'est comme ça qu'en fait après j'ai réussi à le trouver. Et lui après il m'a raconté son histoire. Donc bref, il était parti en vacances en Bretagne, voilà, et puis bon, il avait vu qu'il y avait quelques marchés dans lesquels il pouvait peut-être glaner quelques spécialités bretonnes, celtiques ou autres, et puis bon, il va dans un bled perdu avec beaucoup de vaches autour, puis bon, il est parti à travers champs, et vous voyez, il aime beaucoup marcher, donc ça l'a, et puis ça le prépare, ça le met en condition pour après trouver les pépites. Ça marche pas toujours. Et donc il passe dans ce champ, et puis alors là, oh là là, foison de champignons. Et puis le professeur, vous savez, en fait, il a une règle qui est simple, il connaît les mauvais, donc tous ceux qui voient qu'ils sont pas des mauvais, bah c'est des bons. Bon, heureusement, il n'en mange pas souvent. Et bref, là, il a fait sa cueillette, et puis voilà, il a trouvé des tas de trucs fabuleux qu'il a mangé sur place, parce que bon, il s'est dit après tout, hein, voilà, économisons le gaz. Donc, du coup, il a fait ça, puis après, il est allé à ce marché. Et puis, alors, à ce marché, bon, bah, évidemment, il s'est trouvé que peut-être dans les champignons qu'il avait pris, il y avait quelques champignons qui lui restaient sur l'estomac. Mais bref, bon, il a arrivé quand même à assumer un peu l'affaire, mais d'un coup, il se met à voir une double femme. Alors là, là, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas, donc il s'est approché quand même, et cette double femme se retourne, et c'était, voilà, deux sœurs jumelles, mais deux sœurs jumelles siamoises. D'après ce qu'il m'a dit, Jane Mansfield. Bon, avec le professeur, il faut un peu réduire la voilure. Hein. Il voit vite, bon, surtout là, en plus, apparemment, il était un peu indisposé, donc... et bref, du coup, ben, voilà, il voit ces deux jeunes filles, puis il leur demande, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, elles lui expliquent qu'elles sont des grandes collectionneuses de disques et qu'elles passent beaucoup de temps dans les vide-greniers. Alors là, le professeur, je ne vous dis pas, il est tombé, mais alors, raide mort dans la seconde, une double Jane Mansfield en train de chercher des disques juste à côté de lui. Et donc, du coup, ils ont sympathisé, ils sont allés boire un coup ensemble. Ça lui a coûté cher, hein, parce que quand même, à chaque fois, tout est double. Hein. Et bref, vous avez compris, les vacances aidant, le soleil, la plage, voilà, grande histoire d'amour. Le professeur était en transe, subjugué, voilà, transformé. Et c'est ce qu'il m'a dit, hein. Moi je ne l'ai pas vu, hein, donc je ne sais pas. Mais je peux avoir confiance parce qu'il était vraiment très traumatisé. Et comme évidemment toutes les histoires de etc. se finissent mal, Et bah, à la fin des vacances, les deux sœurs jumelles qui s'appelaient Jeanne et Julie, je crois, c'est ça, Jeanne et Julie. Et enfin, Jane et Julie, parce qu'il y en a une qui disait qu'elle était anglaise, mais enfin bon, ça n'avait pas l'air d'être vrai. Elles l'ont quitté, elles sont reparties vers leurs aventures. Et puis, et lui, il a eu le malheur, le jour du départ, de déclarer sa flamme. Alors là, ça a été la catastrophe. Elles sont parties en courant, et je vous jure, voilà, des siamois qui courent, ça court vite, il n'a jamais réussi à les rattraper. Et là, c'est vraiment mes déprimes totales. Et voilà, son monde s'écroulait. Enfin voilà, tout. C'est la catastrophe, quoi. Et il est parti en retraite au monastère de Saint-Psilocybe. Alors je sais pas, c'est perdu dans les montagnes, je sais pas trop où c'est. C'est un saint du Moyen-Âge qui avait un peu des visions. Et alors des visions, je sais pas lesquelles, mais bon. Bref, il est resté là-bas un petit moment. Les moines se sont occupés de lui. Ils lui ont fait en fait quelques dépurations, détoxications, je sais pas quoi. Bref, il allait beaucoup mieux quand je suis allé le voir. Il était habillé bizarre. Mais bon, il m'avait dit, c'est le look chez nous. C'est comme ça, chez Saint-Psilocybe. On s'habille un peu coloré, on s'habille un peu extravagant. Bon, c'était plutôt sympa, passer un bon petit week-end, et du coup, je voulais ramener, voilà. Donc du coup, alors ça a été un peu compliqué quand même de le remettre en marche, mais heureusement, il avait quand même ramassé tout un tas de conneries pendant les vacances. Donc du coup, vous allez pouvoir profiter, et puis moi, je vais peut-être commencer à me taire. Alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve l'ordre, parce qu'il m'a donné un ordre, hein. Là, c'est un truc incroyable, hein. C'est... Ah oui, voilà. Allez, c'est parti. Rien n'existe. Vous êtes deux. Et content.

rester quelques minutes encore dans la spiritualité, excusez-moi. Je suis censé parler d'une voix calme et posée, c'est ce que m'a expliqué le professeur. Parce que le morceau qui suit, en fait, c'est un enregistrement qu'il a fait au monastère de Saint-Psilocybe avec ses frères, ses sœurs, parce que ça avait l'air d'être mix, je sais pas quoi. Mais bon, pas de sexe, hein. Ça lui avait suffi avec les siamois. J'ai pas voulu qu'il me raconte, hein, parce que, bon, bref. Mais il avait l'air quand même un peu détendu. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. polymorphe. Ben oui, ça résume un peu l'aventure du professeur quand même à Jeanne et Julie, polymorphe. Et oui. Bon, bref, tant qu'il voit pas des fantômes dans les magasins de disques, hein, pas trop s'inquiéter. Ghost! vers moi, fumer les tabacs de la terre. J'ouvre une route à ma manière, qui n'est pas un chemin de croix, qui n'est pas un chemin de croix. Je vous emmène à travers mon, avec les fous et les sorciers, jusqu'à la source ensoleillée où brûleront nos oripeaux, où brûleront nos oripeaux. Mon cheval au cœur éclaté n'est pas à son dernier galop. J'ai encore du rouge au naseau à vous teindre une éternité. Dans ma voix, ces milliers d'abeilles vous carillonnent à plein midi. M'entendez-vous si je vous crie? Tout est nouveau sous le soleil. Tout est nouveau sous le soleil. Tout est nouveau sous le soleil. Tout est nouveau sous le soleil. Danser cette vie à l'envers, sur l'échiquier de la lumière, renverser les dieux et les rois, renverser les dieux et les rois. Je vous emmène au bord du jour, où renaître à chaque seconde, dans le ruissellement des mondes, toutes les saisons font l'amour. Toutes les saisons font l'amour. Mon cheval est un vent du sud, perdu dans la voile et la foudre. Je l'éperonne à le découdre pour vous nommer les certitudes. Tout se révèle et tout se vole. Thank you. about me twice. But I'm gonna show you, baby. I said, I'm gonna show you, baby, that I can be twice as nice, 'cause I'm a que c'est une catastrophe. Le professeur, je sais pas dans quelle poubelle il l'a ramassé celui-là, mais je voilà, il est un peu grillé, voilà, parce que bon, des fois ça fait ambiance, ce feu de cheminée, mais là c'est carrément, vous êtes dans la cheminée. International Lifestyle au Golio Itadaki, arigatou gozaimasu. International lifestyle. ben ça un petit peu mieux quand même au niveau son que le pauvre Bobby Bird. Ben oui. Paix à son âme à ce disque. Adios. Donc je disais oui, un peu de fureur dans ce monde de mou quoi. Hein? Pensez comme moi. Et donc là tout à l'heure il était question de style international. Et oui, le professeur il m'a dit moi. Je vais adopter le style international, c'est pour ça qu'il m'a amené ce machin là. Et du coup, il m'a dit l'été prochain, terminer la Bretagne et les champignons, je vais à Hollywood. Let's go. Puisqu'on est dans la douceur, et ben on continue dans la douceur. Encore les t-shirts secs. L'idée de la machine à son, c'est aussi de vous faire bouger, ça fait du sport. Allez, je suis magnanime, on arrive presque à la fin. On va se calmer un peu. Petite flûte dans les champs. Le professeur court et perd du banc. Yeah. comme un serpent. Et toi, il tombe comme un arbre foudroyé par un orage au ciel d'été. Et toi, ce n'est qu'un homme comme il y en a tant sur la terre. D'une minute pour vous lister un petit peu ce que vous avez pu entendre avec ravissement ce soir. Donc là, nous venons de finir par Jeanne et Julie. Et oui, parce qu'évidemment qu'en plus, et c'est ça qui l'a tué en fait, le professeur, elles ont fait un disque sur lui. Et là, il s'en remettra jamais. Et ouais, notre homme à moi, Jeanne et Julie, fabuleux. Jacques Higelin, Brigitte Fontaine, on est là pour ça. Goksen, ouais. Kanaitan. Doganin Otezi, voilà, je suis pas très fort en turc. The White Trifle, Gonna Be a Change, The Outset, Up. Faudrait peut-être que je lance le générique. Attendez, restez là. Hop, voilà, on lance le générique. Voilà, comme ça, ça fait mieux. Control Freaks Hollywood, The Playmobil International Lifestyle, 97e of the Broadway Moving Woman, fabuleux morceau. Sex Convention, Toi qui rêves de baiser, incroyable. Jean Vasca, Tout est nouveau sous le soleil. Ron Jezin et Roger Waters, The Womb, Beat Throat. The Ex-Bat Ghost in the Record Store, incroyable, j'espère que ça lui arrivera jamais au professeur. Les Rancards Polymorphes, Peace and Love Marijuana, incroyable. Robert Finlay, Holy Ghost Party, a tué, enfin, qui tue, pardon. Daddy Long Legs, Money, qui tue aussi. Dominique Webb, Hypnose, et Rito Macabre, Elias et Perdio, Enelet Passio. Au revoir.